Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a sujet à revendiquer des droits quelconques? Ben, je sais pas, je pose une question. Non, hein? Non, mais c'est parce qu'on peut, là, mais si on est vraiment full intense dans ce qu'on vient de chanter, on n'a pas le temps de se concentrer sur autre chose que ça. Alors oui, on est dans Colossiens, chapitre 3. On va lire 3:11 à 4:6. On avance. La semaine prochaine, on devrait être dans 4. Bon, est-ce que vous écoutez les nouvelles? Non, pas vraiment. Ben, je sais pas si vous savez, là, mais hier, je pense, c'était la 26e. Ah, je suis en retard. J'étais occupé hier. Devinez sur quoi je travaillais. 26e rencontre fraternelle dans les rues de Montréal, c'est ça? Fait que c'est un sujet intéressant de ici. Moi, la question que je me pose, puis que je vais vous poser dans ce conflit-là, là, qui prend toute la place. Je veux pas vous me répondre, là. C'est une question rhétorique, là. Êtes-vous pour ou contre la position des étudiants? Répondez-moi pas, s'il vous plaît. Hier, Jonathan est arrivé avec deux amis. Jonathan, hier, on allait souper, Danny et moi. Geneviève était à quelque part. Nathalie et Philippe sont partis camper toute la fin de semaine. Puis là, Félix est à la maison, fait que son père est monté de Québec. Ouais, c'est toute une amélioration, là. Son père est monté de Québec, monté avec deux amis. Les deux amis qui sont montés parce qu'ils profitaient du livre pour aller s'amuser dans les rues de Montréal hier soir. Fait que, bon. Est-ce que je suis pour? Est-ce que je suis contre la position des étudiants? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre la position des étudiants? Pensez-y comme il faut, là. C'est quoi leur droit aux étudiants? Répondez-moi pas. C'est quoi leur droit aux étudiants? Je peux être pour, puis avoir plein de réponses à la question. Puis je peux être contre, puis avoir une réponse très brève à la question. S'ils ont des droits, je dis pas qu'il y en a qui n'en ont pas. Supposons qu'ils ont des droits. Est-ce qu'ils ont la bonne attitude pour réclamer leurs droits? Ils répondaient pas, là. Bon, on va être plus personnel. Si vous étiez étudiant en première année d'université présentement au Québec, qu'est-ce que vous feriez? Bon, êtes-vous pour ou contre la position du gouvernement? Une chance, j'ai dit, répondez pas. Pensez-y comme il faut. Non, c'est sérieux, là. C'est vraiment sérieux. Parce que ça, c'est droit dans le sujet de ce qu'on va parler aujourd'hui. Si vous êtes pour ou contre la position du gouvernement, peu importe, c'est quoi leur responsabilité? En fait, le gouvernement, c'est personne. Le gouvernement, c'est personne. En fait, le gouvernement, c'est nous. Hein. Est-ce que vous saviez ça? On est dans une démocratie. Nous avons élu des personnes et nous avons mis en charge de nous. Puis ils votent des lois qu'ils sont supposés nous représenter. Ils sont supposés, là, parce que tout dépend du point de vue qu'on a ici dans la salle. Fait qu'ils ont des responsabilités. Oui, c'est quoi leur responsabilité? Puis supposons que le gouvernement avait raison dans l'affaire. Est-ce qu'ils ont la bonne attitude, nos représentants gouvernementaux? En passant, ils ont une réflexion de nous. Est-ce qu'ils ont la bonne attitude? Bon, encore là, c'est facile, là, c'est dans la salle ici, là, mais si vous étiez premier ministre du Québec, là, surtout, répondez pas. Qu'est-ce que vous feriez? Honnêtement. Fait que je peux être pour ou contre la position des étudiants, puis je vais avoir une certaine réaction à ça. Je peux être pour ou contre la position du gouvernement, puis je vais avoir une certaine réaction à ça. La tendance humaine, c'est quoi? C'est-tu pas d'embarquer dans la discussion? Puis, je peux la démarrer, la discussion, juste pour voir qu'est-ce qui va se passer, pour prendre plaisir aux grands débats qui sont là, puis moi, personnellement, je m'en fous comme dans, en 40, mais c'est facile, à Noël, à Pâques, n'importe quand, là, une rencontre familiale, là, tu prends le sujet du jour, puis tu lances une question, tu dis quelque chose, et puis là, il va y avoir des grands débats de société, OK? Puis si on est assez nombreux, on va les amener dans la rue, nos débats de société. C'est quoi la tendance humaine? Si tu peux pas embarquer dans l'affaire? Puis si tu veux pas embarquer, on va t'embarquer. Parce que si tu prends pas position, tu as pris position. Si tu dis aux étudiants, mais je veux pas embarquer dans le débat, tu es du côté du gouvernement. Si tu parles aux gens qui sont du côté du gouvernement, si tu dis je veux pas embarquer dans le débat, ben tu es du côté des étudiants. Fait que quelque part, tu es coincé. OK? La question honnête ce matin, là, c'est qu'est-ce que nous demande le Seigneur? C'est celle-là la question. Quelle doit être notre attitude? Quelle approche? Psaume 15. Ça a l'air que la technologie ne fonctionne pas ce matin. Fait que là, vous êtes coincés. Hein? Si vous n'avez pas votre Bible, là, vous êtes obligés de me croire. Fait que demandez à ceux qui sont à côté de vous qui en ont une, si tu verrais ce qu'il dit Jean-Claude. Fait que psaume 15. Psaume 15. Oh, là, la beauté de la chose, c'est qu'on va tous avoir la même version, la mienne. Ça va-tu? Psaume 15 de David, c'est pas un psaume très, très long, hein? Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? C'est une question, là. On est où, là? C'est quoi l'attitude que Dieu nous demande dans toutes les situations de la vie? Puis David, il pose la question, ô Éternel, c'est comme un soupir. Misère. Hein, vous suivez? Qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Réponse. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. C'est celui-là. Celui-là, il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable, que ce soit du côté étudiant ou du côté gouvernement. Il ne calomnie point, hey boy, que vous soyez du côté de l'opposition ou du pouvoir. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Alors, vous savez que ça, c'est pas notre nature, ce qu'on vient de lire. Hein? On embarque facilement dans tous les débats de société. Facilement. Puis quand on embarque dans le débat de société, on vient de tomber dans un piège. Parce que c'est pas ça que Dieu nous demande. On est naturellement égoïste, puis naturellement, on cherche notre propre intérêt. Fait que si vous demandez aux étudiants, c'est sûr qu'ils ont raison. Puis si vous demandez au gouvernement, c'est sûr qu'ils ont raison. Puis si vous demandez à l'opposition, c'est sûr que c'est une sacrée belle opportunité hein, de se faire de la publicité. Puis si je m'appelle les syndicats qui ont eu bien de la misère les dernières années, c'est aussi une opportunité de se remettre en valeur, tu sais, auprès de qui on cherche. Mais regardez ce qui se passe partout dans le monde de cet incite, là. Puis laissez-vous pas duper. Peu importe là que ce soit en Libye, en Syrie, en Tunisie, en Égypte, en Allemagne, en Grèce, en Espagne, en Italie, ici, ce qui se passe dans nos rues là, c'est pas différent. C'est pas en tout différent. Alors, peut-être que les revendications sont différentes, mais le cœur derrière est le même partout. J'espère que je vous apprends rien. Là. Puis je vous propose que ce qui se passe dans les rues, puis ce qui se passe dans nos gouvernements, sont tous les deux en abomination devant le Seigneur. Quel côté vous voulez être? Des étudiants? Du gouvernement? C'est ça qu'on doit faire? Gardez en tête cette parole du Seigneur, 1 Jean 5, 19. ce qui est écrit dans 1 Jean 5, 19. Si nous sommes nés de nouveau, enfants de Dieu, 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Est-ce qu'on peut s'en rappeler à chaque fois qu'il y a un débat, à chaque fois qu'il se passe quelque chose? Qu'est-ce que Dieu cherche? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, puis qui dit la vérité selon son cœur. Alors, c'est quoi notre attitude à nous, là? Quelle attitude on doit avoir? Michée 6-8. Hey, là, pas besoin d'aller lire, j'espère, là. Michée 6-8. Qu'est-ce qui se dit? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Point virgule. Non, c'est important. C'est pas un « et » continu, là. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est quoi? Pratique la justice, aime la miséricorde, puis marche humblement en tenant la main de ton Dieu. Reste là. Va pas ailleurs que là. Embarque pas dans les autres affaires. Va pas là. Ça va? Alors, on va lire Colossiens. Il y a une attitude ici. Colossiens 3, 11. Bon, la beauté de leur lire souvent, c'est qu'on va finir par savoir par cœur. Hein? Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, on va définir là, pratiquer la justice, aimer la miséricorde, puis marcher humblement avec Dieu. Ainsi donc, pas comme des étudiants, pas comme le gouvernement, pas comme les chiites, pas comme les barbares, pas comme les grecs, non, non, ainsi donc, nous qui sommes de Dieu, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, peu importe le rôle dans lequel tu es, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Prenne toute la place, il n'y a pas de place pour rien d'autre que ça. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement à leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'exception de personne. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi vous avez un maître dans le ciel. Persévérez dans la prière. Ça, c'est tous, hein? Il y a un tous, là. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous. Vous, priez pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Vous, Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Le texte ce matin, là, c'est 3:18 à 4:1. Fait que là, ma bergerie, c'est... Non, il y a deux semaines, la bergerie... Marilyn me regarde en souriant. Il y a deux semaines à la bergerie, Marilyn a dit, « Attends, je peux-tu poser une question? » Elle a dit, « Je suis curieuse. » Elle a dit, « C'est qui va prêcher la semaine prochaine? » C'était pas supposé être Michel, hein? Fait que là, avant qu'elle dise quoi que ce soit, Dina, qui est juste à côté, elle me regarde avec un petit sourire en coin, hein? Puis là, je vois bien qu'ils se sont parlé, là, ils attendent la réponse. Là, j'ai dit, « Mais pourquoi tu me poses la question, tu sais? » Là, elle a dit, ben c'est juste qu'on est rendu à 3:18, hein? Fait que, femme, soyez soumise devant moi, hein, ouais, c'est ça. Fait qu'elle a dit, on était curieux de savoir si c'est toi qui vas encore prêcher sur le sujet, tu sais. Puis là, elle a dit, fait que là, j'ai pas le temps de répondre à la question, elle a dit, pourquoi il demande pas à quelqu'un d'autre, tu sais, cette fois-ci? Fait que là, je dis, pourquoi il, c'est qui ça, il, c'est les anciens, hein? C'est moi, ça, il. Là, il vient une série de questions après, hein. J'en épargne plusieurs, là, mais c'est genre, c'est parce qu'elle est allée de m'entendre, parce qu'elle a compassion pour moi. Je suis pas sûr, tu sais. Fait que là, j'ai pas posé cette question-là, là. Mais là, je dis, faut juste comprendre que, premièrement, là, j'ai pas insisté pour le faire. OK, numéro un. Numéro deux, c'est pas parce que les autres ont peur de le faire non plus. C'est juste que c'est comme ça que le Seigneur a dirigé. Vous rassurez, là, on planifie pas 3 mois d'avance qui va prêcher tel dimanche. Oh oui, on a une petite cédule, mais on est parfaitement conscient qu'elle va se faire s'aborder. Puis on tire pas la courte paille non plus, dépendamment du sujet. Okay? C'est juste que c'est comme ça que Dieu dirige, puis aujourd'hui on est rendu là, puis on passera pas par-dessus. En passant, ce sujet-là, on l'a couvert dans Éphésiens, dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens, dans Hébreux. Fait qu'en as-tu vraiment besoin d'en reparler aujourd'hui? Oui. Mais on va la regarder différemment, peut-être. Parce que dans Corinthiens, c'est quand même des instructions à l'Église sur comment se comporter dans l'Église, quand même. OK? Puis dans Éphésiens, c'est vraiment pour nous faire comprendre le corps de Christ. Puis dans Hébreux, c'est vraiment pour nous faire saisir Christ au travers de ça. Ben, dans Colossiens, je vous dirais que c'est le même esprit, mais il nous l'explique d'un autre angle, OK? Il veut qu'on saisisse. Sinon, on aurait juste besoin d'une lettre une fois, puis on aurait tout, là. Fait que les différentes lettres nous montrent les choses de différentes manières. Alors, je vous dirais que dans cette lettre-ci, l'emphase est mise sur l'attitude qu'on doit avoir dans les différents rôles qu'on joue. Chacun personnellement, puis tous ensemble. C'est vraiment ça. Puis ça, où ça? Dans toutes les situations dans lesquelles on se trouve. C'est comme ça qu'on doit lire la lettre. Arrêtons de regarder à l'horizontale nos petits problèmes. Ouais, mais tu comprends pas que moi, dans telle situation... Oui, je comprends très, très bien. Mais ici, c'est intéressant le texte, si vous le regardez. Femme, Marie. En passant, Marie... En tout cas, dans l'Église, ça veut dire homme. On est d'accord? Enfant, père. Dans le contexte biblique, père, c'est homme. Serviteur, puis maître. C'est toute la relation de subordonné à autorité. Ça va? Et de autorité à subordonné. Parce qu'il dit aux subordonnés, soumets-toi à l'autorité. Et il dit à l'autorité, prends soin de tes subordonnés. Les deux vont ensemble. OK? Et maintenant, à chacun de nous, n'est pas de gérer le rôle de l'autre, mais d'avoir chacun la bonne attitude dans le rôle où j'ai été placé. Et c'est pas personne ici qui a placé personne dans le rôle dans lequel il est. C'est Dieu qui a créé l'homme, c'est Dieu qui a créé la femme. Puis Romains 13 nous dit que c'est Dieu qui a institué toutes les autorités. Non seulement il a institué toutes les autorités, il n'y a aucune autorité, peu importe que vous l'aimiez ou pas, le gouvernement en place a été mis en place et les personnes qui y sont par Dieu lui-même. Lisez Romains 13, là. Aucune autorité est là, que c'est pas Dieu qui l'a mis en place. Toutes les autorités ont été mises en place par Dieu et il n'y a aucune autorité en place qui n'ait pas été mise là par Dieu. Comment ça qu'il y a des Kadhafi dans ce monde, de ces Hitler dans ce monde? Vous poserez la question à Dieu. Mais c'est lui qui a permis ça. Et tout ça pour notre bien à chacun. Ça va-tu? Le fait est qu'on est tous dans une position où nous devons premièrement nous rappeler qu'on doit rendre des comptes à Dieu, peu importe pourquoi on souffre. Peu importe pourquoi on souffre. Tout le monde est soumis à quelque chose. Tout le monde est contraint par quelque chose. Maintenant, où est-ce que je vais regarder? À mes droits ou à avoir la bonne attitude dans la foi dans le Seigneur? C'est vraiment ça. Alors, si on lit notre texte, puis qu'on skip Colossiens 3, 18 à 4, 1, puis qu'on regarde en tête ce que je viens de dire, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, 3, 12, saints et bien-aimés, peu importe dans quelle situation tu es, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Pas envers l'autre. L'autre devrait le sentir, là. Mais à cause de qui? Tout ce qu'on a lu dans Colossiens 1, 2 et 3, là, jusque-là, là, c'est nous parler de Christ, la gloire de Christ, ce que Christ a fait, ce que Christ demande, le prix qu'il a payé. Puis de même, puis à cause de ça, nous devons faire ce qu'il demande. Même si j'aime pas ce que je vis. Même si j'aime pas ce que je vis. Ben, en fait, si on veut s'arrêter ici, là, même ceux qui sont de bonne humeur, là, que la journée est belle, ben, c'est le fun, on a hâte d'aller chez nous faire un barbecue, là. Ceux qui ont réussi à partir de la piscine, peut-être aller se baigner après-midi. Pas chez nous, j'ai encore des grenouilles parce qu'ils n'avaient pas parti, là. Même eux, s'ils arrêtent, là, puis tu lui poses la question, tu les obliges à réfléchir, il y a des affaires qui vont pas bien, puis il aimerait mieux qu'on le rappelle pas. Ça va? Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. C'est pas genre, faut que je l'endure. Non, non. C'est, appuyons-nous les uns sur les autres et servons d'appui les uns aux autres, là. Encourageons-nous ensemble à persévérer. Ok? Supportez-vous les uns les autres. Puis s'il y a quelqu'un ici qui a sujet de se plaindre de l'autre, y a-t-il quelqu'un ici qui a aucun sujet de se plaindre de personne? Levez la main, je serais curieux. Moi, je vais baisser la mienne, là. OK. Fait que chacun de nous ici, là, qu'on a sujet de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Ouais, mais tu connais pas mon mari. Si j'ai demandé au mari, ouais, mais tu connais pas ma femme. Est-ce que vous allez faire ce que le Seigneur demande? Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. La charité, c'est l'amour inconditionnel vers l'autre, sans demander rien en échange. Même si l'autre, il ne mérite pas, il gagne. Revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Toi avec ta femme avec toi, les enfants avec les parents avec les enfants. Le serviteur dans une entreprise, peu importe t'es où, là, puis comment c'est pourri dans cette organisation-là, là, c'est quand même Dieu qui t'a mis là, puis c'est quand même Dieu qui les a mis là, puis toi, hein, sois en paix, organise-toi pour être en paix. Que cette paix-là règne dans ton cœur. Essaye pas de changer le monde, tu ne changeras pas. Et soyez reconnaissant à Christ, de qui vous êtes en Christ. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Habiter, là, ça veut dire qu'elle est là, là, tu sais. Si vous venez chez nous, là, après-midi, là, bon, après-midi, c'est pas un bon exemple. Venez chez nous, mercredi soir. Tout le monde est là, après une journée d'ouvrage, un peu partout, là. Bon, si vous venez chez nous, là, vous allez voir qui habite chez nous. En fait, venez vers 7h moins quart, 7h moins 10. Oh, yeah! C'est le rush. C'est traffic time. Oh, boy! Ça, là, vous allez voir qui habite là, tels qu'ils sont. OK? Non, mais de même, là, que la parole de Dieu habite en vous, là, est-ce que c'est clair qu'elle est là? Est-ce que c'est présent? Est-ce que c'est palpable? Puis si oui, ben instruisez, puis exhortez-vous les uns les autres. S'exhorter, là, c'est s'encourager. Des fois, avec un petit coup d'épaule. Des fois, un petit coup de pied amical dans le derrière. Peu importe quoi, là. En toute sagesse, cherchez la sagesse. Comment? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. C'est tellement présent qu'au lieu de revendiquer mes droits, je regarde même pas ça, là. Je regarde à Christ, je regarde à ce que Dieu a fait pour moi. Je sais qu'est-ce qui m'attend, où est-ce que je m'en vais. Ça prend tellement toute la place, comme le dernier chant, là, que j'ai pas le temps de regarder la misère humaine, là. Ça me tente pas, là. Pas que je veux l'ignorer. Si quelqu'un a de la misère autour de moi, ben c'est sûr que je vais faire quelque chose. Mais je vais pas le prendre sous mes épaules. Parce que je veux me concentrer sur ce que le Seigneur demande. Verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, n'importe quoi, n'importe où, dites-moi que si vous étiez dans la rue hier, que ce que vous faisiez là, en parole ou en œuvre, c'était pour rendre gloire à Dieu. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, tout en son nom, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Un verset qui me venait à l'esprit, là, c'est Jacques. Jacques chapitre 1, verset 2. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tout ce que vous faites, Jacques chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ouais, mais tu connais pas mes parents. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Pourquoi? Sachant que l'épreuve de votre foi, ta foi, est-ce que tu crois sincèrement que Dieu existe puis qu'il répond à ceux qui le cherchent? Oui ou non? Oui? Bon. Ben, considère ta situation comme un sujet de joie complète parce que Dieu est en train de te transformer. Il pourrait-tu transformer quelqu'un d'autre un petit peu? Non! Parce qu'il t'aime et il veut t'amener à la perfection. C'est ça qu'il veut. Fait que considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez t'exposer, sachant que l'épreuve de votre foi produit chez vous, en toi, la patience. La patience fait partie du fruit de l'esprit. C'est pas dissociable du fruit de l'esprit. Je peux pas vraiment aimer poser des gestes d'amour envers les autres si je suis pas patient. Je suis pas vraiment un maître de moi si je suis pas patient. C'est difficile d'être bienveillant quand on n'est pas patient. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. En qui? En moi. Chacun de nous, là, c'est en moi, là. Fait que c'est moi, là, qui passe dans le blender. Fait que des fois, les sœurs, ils disent, priez plus pour avoir de la patience. Il n'y a pas besoin de prier, là. C'est ça que Dieu fait. Bon, vous n'aimez peut-être pas ça, là, mais c'est ça pareil. C'est comme interdit dans notre bergerie de prier pour avoir de la patience. Parce que tout le monde a compris qu'il vient des épreuves avec. Mais vous n'avez pas besoin de prier parce que c'est là. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre et ça va prendre du temps afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Parce qu'on est appelé à être parfait comme il est parfait, à être saint comme il est saint. Puis il va le faire. Verset 23, dans Colossiens 3. Tout ce que vous faites, en parole ou en œuvre, hein, faites-le au nom du Seigneur, en rendant par lui des actions de grâce. Tout ce que vous faites, verset 23, faites-le de bon cœur. Tu connais pas mon mari, tu connais pas ma femme, tu connais pas mes parents, tu connais pas mes ados, toi. Faites-le de bon cœur, et voici la clé. Comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. En fait, c'est pas inconditionnel ici, là, que si tu fais pas ça, tu n'auras pas l'héritage. C'est rappelle-toi que tu as l'héritage. Garde les yeux sur l'héritage. Fait que décourage-toi pas. Puis tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Et là, hein, c'est pas une suggestion ce qui vient après. Servez Christ, le Seigneur. C'est pour lui que vous êtes là. C'est pour sa gloire que vous êtes là. Fait que ce que vous vivez, faites-le pour lui. Arrêtez de vous plaindre des autres, même si c'est pas drôle. On s'en va à 4:6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Le sel, là, c'est la vérité de la parole de Dieu. La grâce, c'est mon attitude envers les autres. On va pas relire, là, on va falloir recommencer. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, ce qui suit, là, c'est la grâce. Donc, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. OK. Alors, si on garde ça en tête, quand on lit 3:18 à 4:1, rappelons-nous que c'est Dieu qui a établi les rôles. C'est pas moi, c'est pas toi, puis peu importe sur quel bord que t'es, fais attention, parce que toi aussi, tu rends des comptes à quelqu'un. Et en bref, chacun de nous, on rend compte à Dieu de l'attitude qu'on a eue, du comportement qu'on a, des paroles qu'on a dites, des gestes qu'on a posés face aux autres, peu importe la situation dans laquelle on était, est-ce qu'on a honoré Dieu dans notre attitude quand on l'a fait? Fait que si on regarde les versets maintenant, 18 à 4:1, là. Femmes, soyez soumises à vos maris. C'est pas une suggestion. Mais je vais pas aller là. Comme il convient dans le Seigneur. En fait, Michel nous avait amené l'autre fois dans Éphésiens 5 et 6. Prenez Éphésiens 5 et 6, là. Vous le mettez à côté ici, là, c'est la même lettre. Et dans Éphésiens, il dit la même chose. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. C'est-tu parce que ça, c'est possible que ça pourrait arriver? Les gars répondaient pas. C'est-tu possible que ça pourrait arriver que quelqu'un pourrait s'aigrir contre sa femme? C'est difficile à imaginer, là, maintenant, mais c'est possible. Non, mais c'est écrit. Je me base sur le texte, OK? Marie, aimez vos femmes. C'est pas une suggestion. Et ne vous aigrissez pas contre elles. Regardez pas à l'horizontale. Regardez à la verticale. Dans Éphésiens, il dit, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Regarde pas à l'autre. Regarde à ton attitude. Ben, c'est sûr que c'est le fun si monsieur prend soin de madame comme madame voudrait que monsieur prenne soin d'elle. Et c'est sûr que ça serait plus facile si madame faisait les choses que monsieur s'attend comme monsieur s'attend. Mais c'est pas clair que ça va arriver comme ça, OK? Fait que maintenant, quelle attitude je vais avoir? Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Ils sont pas cohérents, mes parents. Non, mais ils sont rares, les parents cohérents. Là. Excusez-moi, vous avez tout le monde ici eu des parents? Est-ce qu'ils étaient parfaitement cohérents? Les jeunes ne répondaient pas, c'est très dangereux. Mais les adultes, nous, là, nos parents sont plus nos parents. Bien, ils sont nos parents, mais ils n'ont plus en autorité, mettons, là. Est-ce que nos parents étaient cohérents? Est-ce qu'on était toujours d'accord? Bon, est-ce que vos enfants vont être d'accord? Est-ce que vous êtes cohérents? Les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Pourquoi? Parce que ça, c'est agréable à Dieu. C'est agréable dans le Seigneur. Père, c'est pas les mamans, là, c'est les papas. Père, n'irritez pas vos enfants. Oh, les mamans, ils peuvent le faire. Mais si maman est soumise à papa dans le contexte de l'instruction, dans la maison, de la discipline, il y a au moins un sujet sur lequel elle n'irritera pas les enfants, Papa va faire ça tout seul. Puis maman va s'en sentir bien mieux. OK? Père, n'irritez pas vos enfants. Pourquoi? Parce qu'ils pourraient se décourager. Puis vous voulez pas qu'ils se découragent. Vous voulez qu'ils persévèrent dans le Seigneur. Fait que découragez-les pas. Comment tu vas faire ça? Éphésiens 6:4 dit, en les instruisant selon le Seigneur. Ça veut dire que tu connais la parole, puis t'enseignes la parole, puis t'agis cohérent avec la parole. Parce que des fois, le papa, là, ça y tente pas de faire ou dire ou etc. Mais Dieu lui demande. Fait que si c'est ça, ben c'est plus facile pour un enfant de comprendre que même son père, là, regarde, ça, il aime pas ça, discipliner. Mais il a pas le choix, c'est à cause de Dieu. C'est plus facile quand les enfants vont être grands de dire, ben mon père est plus là, il m'a donné des ordres, mais je sais ce que Dieu veut. Serviteurs, ça c'est toutes nous autres. On a tous des patrons quelque part. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Hey, on pourrait élaborer là-dessus, là. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. C'est Dieu qui l'a mis là. Puis il l'a mis là pour moi, pour développer chez moi la patience, l'humilité, la bonté. Savez-vous quoi? Vous apprenez plus de vos méchants patrons que de ceux que vous aimez qui vous font du bien et qui sont super gentils. Parce que de ceux que vous n'aimez pas, ils viennent jouer avec des cordes sensibles dans votre vie puis vous avez besoin de les adresser devant le Seigneur. Oh boy, j'ai vu une coupe de grimace ici. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Qu'est-ce que ça implique, ça? Accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Qu'est-ce que ça implique? Un verset, il n'y a pas un verset qui vous vient à l'esprit, là? Soyez juste et équitable envers vos serviteurs. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. C'est quoi? Pratique la justice, aime la miséricorde, marche humblement avec ton Dieu. Il me semble que c'est ça qui est écrit ici, là. Accordez à vos serviteurs ce qui est juste, équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Revendiquez pas vos droits, vous en avez aucun. Vous voulez crier injustice, criez à Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Je peux bien avoir une misère temporaire ici, là, mais l'éternité s'en vient, ça, c'est même pas descriptible. Comment ça va être sublime, OK? Mais en attendant, on est ici. Servez Christ. Rappelez-vous que là où vous êtes, c'est lui qui vous a placé là. Et ce qu'il, tout ce qui vous arrive, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. C'est pour notre bien. Dieu veut qu'on lui obéisse à cause de Christ. Parce que Christ, parce que Dieu, en fait, nous a rachetés à grand prix, puis bien qu'on ait ses enfants bien-aimés, qu'on aime donc ça, dire ça, là, on est ses enfants bien-aimés et on l'est, demeure que Christ est roi. Il est de tout l'univers. Il est le Dieu suprême. Quand il dit, la chose arrive. Et s'il y a des avertissements dans la parole de Dieu pour les enfants de Dieu, ben, il faut les prendre sérieux. Puis s'il est le roi des rois, ben il mérite notre soumission là où lui nous a placés, dans l'état dans lequel il nous y a placés. Parce que c'est à lui, c'est pour lui qu'on est là. Je ne vais pas relire Jacques, là, mais considérez comme un sujet de joie parfaite. Toutes les épreuves auxquelles vous êtes exposés. Alors, si je retourne au conflit étudiant, non, mais peut-être que vous avez un conflit semblable dans la maison. Peut-être que vous avez un conflit semblable dans votre milieu de travail. Peut-être que vous avez un conflit semblable entre conjoints. C'est qui a raison? Si j'embarque dans le conflit, là, c'est qui a raison? Ah, on peut avoir un conflit comme ça dans l'Église, hein? Entre nous? On a deux points de vue sur quelque chose? Moi, je vois, ça devrait être fait demain. L'autre dit, moi, non, là. OK? Dans quoi on va s'enverger qui a raison? Qui a raison? C'est important, qui a raison? C'est les étudiants qui ont raison? Ils ont partiellement raison, trois quarts, moitié. C'est le gouvernement qui a raison? Que dire de l'opposition là qui marche dans les rues avec les étudiants? Ils sont les représentants de quoi, eux autres, l'opposition? Que dire de la position de certains professeurs? Non, mais appliquons ça à nos vies, là. Deux enfants, trois enfants, on se met d'accord parce qu'on n'est pas d'accord avec les parents. Puis là, on a des petites affaires personnelles, tous les deux. Fait que, vu qu'on n'a pas la même bataille, mais on a le même problème, hein? C'est telle personne. OK, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre ensemble? Qu'est-ce qu'on va revendiquer? C'est qui les professeurs? De quel côté ils sont, les professeurs? Si on est très, très, très neutre, là. Qui représente les professeurs? Le gouvernement? Ils sont les représentants du gouvernement, en fait, plus précisément, du ministère de l'Éducation auprès des étudiants, en transférant aux étudiants les connaissances que le ministère, leur employeur, leur demande de leur transmettre. Ça va-tu? Qu'est-ce qu'on enseigne quand on passe à côté de ça? C'est quoi la position d'un enfant de Dieu? Si j'étais au gouvernement, si je suis professeur, si j'étais à l'opposition, si j'étais étudiant, c'est quoi ma position? Je fais quoi? C'est quoi quand il y a un conflit au travail? Je fais quoi? C'est quoi quand il y a un conflit à la maison? Je fais quoi? Qu'est-ce que je fais quand il y a un problème entre deux frères, deux sœurs? Je fais quoi? Je prends parti? Philippiens 4. Non, Philippiens 2. Je prends parti? Je suis plus d'un bord, je suis de l'autre bord. Ah, moi, je suis pour les anciens. Non, moi, je suis pour mon ami, parce que vous comprenez pas ce que mon ami a vie. Ben, c'est quoi, là? C'est dans quel piège on tombe? C'est quoi l'attitude de l'enfant de Dieu? C'est ça la question. On est souvent passionné dans les débats, hein? Mais quand on est passionné dans un débat, on n'est plus passionné pour Christ. Est-ce que j'exagère? Ça veut-tu dire qu'on peut pas parler? Dorénavant, on dit plus rien. Ben, on suit le troupeau. Tu sais, les petits moutons, là? J'essaie d'imiter le mouton, au moins. Daniel, prophète. Un petit gars de 15, 16, 17 ans à peu près, là, on n'a pas l'âge exact. Il vit chez eux, il se mêle de ses affaires. Une journée, il y a un grand méchant envahisseur qui vient, il ramasse lui, des amis, de la famille, etc. Les emmène en déportation dans un pays lointain, une autre langue. On les enferme à quelque part, puis on leur dit dorénavant, là, voici ce que vous allez manger. On change le nom, puis voici comment vous allez, ce qu'on va vous enseigner, etc. Voici comment vous allez vous comporter. Qu'est-ce qu'ils font, Daniel et ses amis? Ils se rebellent? Ils critiquent? Ils revendiquent le droit? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il fait, Daniel? Quand il y a un problème, qu'est-ce qu'il fait, Daniel? Il va à Dieu, il explique sa cause au roi, puis après, il va attendre la réponse du roi comme si elle venait de Dieu. Puis si ça veut dire fosse au lion, la fournaise, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils attendent la réponse de Dieu, sans chicaner, revendiquer, essayer de contester, expliquer. Non, c'est Dieu qui est souverain. Ça va-tu? David, poursuivi par Saül. David sait qu'il est le roi en Israël. Saül n'est plus officiellement le roi en Israël. Mais, techniquement, Dieu ne l'a pas enlevé du trône. Saül le sait très bien aussi, ce que je viens de dire. Fait que Saül cherche à faire mourir David parce que Saül veut pas perdre son trône. Qu'est-ce qu'il fait, David? Il attend patiemment puis il écrit plein de psaumes à Dieu. C'est ça qu'il fait, hein? Il a eu l'occasion de tuer Saül, il l'a tué. Il va même faire la morale à Saül une couple de fois quand il a l'opportunité, toujours avec respect. Toujours avec respect. Jésus, devant le Sanhédrin, qu'est-ce qu'il fait? Devant Ponce Pilate, qu'est-ce qu'il fait? Sur la croix, qu'est-ce qu'il fait? Aïe, excusez-moi, là. Il a juste besoin d'achoumer, c'est fini, hein? Même pas besoin d'achoumer, là. C'est une image. C'est fini, là. Qu'est-ce qu'il fait? À qui est soumis Jésus? Paul, quand il est arrêté, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il passe son temps à revendiquer ses droits devant le gouverneur? Non. Son attitude, puis le témoignage de Christ. Il va prendre le temps, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, de témoigner de Christ. Il profite de l'occasion pour témoigner de Christ, même si c'est injuste qu'est-ce qu'il vit. Puis il sait très bien où est-ce qu'il s'en va. Il s'en va mourir. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande vraiment, le Seigneur? De pas parler? Non. C'est pas ce qu'il nous demande. Intégrité. Être intègre en Jésus-Christ. Ouais. On va lire 1 Pierre. OK? Ça va être genre. C'est un petit peu long, là. Mais c'est genre ma conclusion, OK? Fait que. 1 Pierre. Chapitre 2. Gardez en tête tout ce qu'on vient de dire. Verset 10. Moi, je l'ai en français courant, OK? Pierre 2, 10. Rappelez-vous, là, de l'attitude. Justice, miséricorde, humilité devant Dieu. 1 Pierre 2, 10. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu. Mais maintenant, vous êtes son peuple. Autrefois, vous étiez privé de la compassion de Dieu. Mais maintenant, elle vous a été accordée. Vous l'avez. Rappelez-vous-en. Rappelez-vous où vous êtes, qui vous êtes, OK? Donc, je vous le demande, mes chers amis, c'est une exhortation, ça. Vous qui êtes étrangers et exilés sur la terre, vous voulez aller parader pourquoi? Vous êtes exilés, étrangers sur la terre. Gardez-vous des passions humaines qui font la guerre à votre être. Ayez une bonne conduite parmi les païens. Ainsi, même s'ils médisent de vous en vous traitant de malfaiteurs, ils seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et de louer Dieu le jour où il viendra. D'autres versions, c'est où il viendra les visiter, où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité humaine, à l'empereur qui a le pouvoir suprême et au gouverneur envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et féliciter ceux qui font le bien. Hein? Peut-être c'est pas ça qu'ils font, mais c'est ça leur job. Et s'ils ne le font pas, ben ils vont rendre des comptes à Dieu, eux autres aussi, OK? Fait qu'il y a une justice, là. Peut-être pas tout de suite, là, mais il y en a une. Alors, inquiétez-vous pas de ça. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Calmez-vous. Soyez patients. En effet, verset 15, ce que Dieu veut, pouvez-vous souligner, ce que Dieu veut, c'est que vous pratiquiez le bien pour réduire au silence. Car ce que Dieu veut, c'est que vous pratiquiez le bien. Pourquoi? Pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables. Conduisez-vous comme des gens libres. On a chanté ça tantôt, hein, le chant que Michel a apporté. Conduisez-vous comme des gens libres. Cependant, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal. Mais agissez en serviteur de Dieu. Respectez tous les êtres humains, peu importe leur statut, là. Aimez vos frères en la foi, adorez Dieu, respectez l'empereur. Serviteur, c'est nous tous, ça. En passant, vous vous rappelez, hein? On change le mot ici. C'est quoi le mot? Esclave. Esclave que vous êtes. Soyez soumis à vos maîtres avec un entier respect, non seulement ceux qui sont bons et bien disposés, mais aussi à ceux qui sont pénibles. En effet, Jacques chapitre 1, en effet, c'est un bien de supporter par obéissance à Dieu les peines que l'on souffre injustement, car quel mérite y a-t-il à supporter les coups si vous les recevez pour avoir commis une faute? Mais si vous avez à souffrir après avoir bien agi et que vous le supportez, c'est un bien aux yeux de Dieu. C'est à ça qu'il vous a appelé, car le Christ lui-même a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Rien dire, pas revendiquer. Ça veut-tu dire que j'ai pas le droit de parler? Ben oui, tu peux parler, mais quand tu parles, tu dis, excusez-moi, je peux-tu exprimer quelque chose? Je peux-tu vous dire quelque chose? Non? OK, j'ai essayé. Si c'est possible, en le temps qu'il n'en tient qu'à vous, soyez en paix avec tous les hommes. J'ai essayé. Oui, il veut l'entendre. J'ai dit la vérité avec amour, même à ceux qui ne sont pas aimables. Je le dis. Après que je l'ai dit, est-ce qu'il l'a entendu? Dis-moi que tu l'as entendu. Oui, j'ai entendu. OK, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? C'est lui qui a l'autorité. C'est elle qui a l'autorité. Maintenant, si c'est pas bon, là, ils vont rendre des comptes à Dieu. Mais moi, avant de parler, là, il faudrait que je fasse ce que Dieu m'a demandé. Que je fasse ce que Dieu m'a demandé. En effet, je l'ai lu. C'est à cela qu'il vous a appelé, car le Christ lui-même a souffert pour vous. Il vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Il n'a pas commis de péché, lui. Aucun mensonge n'est jamais sorti de sa bouche. Quand on l'a insulté, il n'a pas répondu par l'insulte. Quand on l'a fait souffrir, il n'a pas formulé de menace, mais il s'en est remis à Dieu, qui juge avec justice. Dans son propre corps, il a porté nos péchés sur la croix afin que nous mourions, nous, au péché et que nous vivions d'une vie juste. C'est par ses blessures que vous avez été guéris, car vous étiez comme des moutons égarés, mais maintenant, vous avez été ramenés à celui qui est votre berger et qui, soulignez-le, veille sur vous. Il prend soin de vous. Difficile à comprendre des fois. Tu dis, il est où le Seigneur? Il est juste là, là. Il voit tout ça, inquiète-toi pas. Bon, on n'en sortira pas, hein? 1 Pierre 2, 1 Pierre 3. Vous de même, femmes, soyez soumises à vos maris, de même que quoi? Que ce qu'on vient de dire, c'est une question d'attitude. Afin que si quelques-uns d'entre eux ne croient pas, regardez pourquoi, soyez soumis, tantôt on a dit, parce que, pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables. Ici, pourquoi? Parce que, même si quelques-uns d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la fois par votre conduite. Des paroles ne seront même pas nécessaires. Il leur suffira de voir combien votre conduite est pure et respectueuse. Mais en fait, là, mettez le mot femme, enlevez-le, là, puis mettez le mot esclave pour toutes nous autres, OK? Fait que vous de même, tout le monde, là, soyez soumis à ceux qui sont en autorité, afin que si quelques-uns ne croient pas la parole de Dieu, ils soient gagnés à la fois par votre conduite. C'est la même affaire. Ne cherchez pas, verset 3, à vous rendre belle par des moyens extérieurs. N'essayez pas de plaire, tape à l'œil, t'sais, impressionner, là, t'sais. C'est tout le monde, là. Comme la manière dont tu te présentes, la manière dont tu parles, tu dis des belles choses pour plaire. Ici, c'est marqué comme la façon d'arranger vos cheveux, les bijoux d'or ou les vêtements élégants. Recherchez plutôt la beauté de l'être intérieur, la parure impérissable d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Telle était la parure des femmes pieuses d'autrefois. Il dit ça, là. On est à l'Église primitive, là. Puis il ne parle pas des femmes de l'époque, là. Il parle d'autrefois. Telle était la parure des femmes pieuses d'autrefois qui espéraient en Dieu. Elles étaient soumises à leur mari, comme par exemple Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait « Mon Seigneur ». Qu'est-ce qu'elle faisait? Qui espérait en Dieu. Elle était soumise à leur mari, mais elle espérait en Dieu. Vous êtes vraiment ses filles si vous faites le bien. Vous êtes vraiment... Prenons l'Église. Nous sommes vraiment sa fille si on fait le bien en ne vous laissant effrayer par rien. Vous de même, Marie... Ça, c'est ceux qui sont en autorité, dans le fond. Vous de même, ceux qui sont en autorité, vivez avec vos femmes en tenant compte de leur nature plus délicate. Traitez-les avec respect, car elles doivent recevoir avec vous le don de la vraie vie de la part de Dieu. Agissez ainsi. Pourquoi? Afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. S'il y a un problème là dans le couple, là, qui va aller prier Dieu? Là? Première chose que Dieu nous demande, c'est de faire ça. Vous faites pas ça, vous me demandez quoi, là? Faites ça, là, puis posez-moi les questions, vous allez voir si je réponds pas. Malachie 3.10. Mettez-moi l'épreuve. Faites ce que je dis, là, vous allez voir si je réponds pas. Enfin, tout le monde, ayez tous les mêmes dispositions, les mêmes sentiments. Aimez-vous comme des frères. Soyez bienveillants et humbles les uns à l'égard des autres. Ça, c'est tout le monde, là. Parce que femme, mari, enfant, parent, serviteur, maître, tous les enfants de Dieu, on est tous égaux devant Dieu. On est tous frères et sœurs devant Dieu. Ayez les mêmes dispositions, les mêmes sentiments. C'est pas dur, là. Marchez par la foi, aimez les saints. C'est tout. Marchez par la foi, aimez les saints. Alors, quand il y a un problème, au lieu d'adresser le problème, checkons nos cœurs. Checkons l'attitude en premier. Je sens que t'es de mauvaise humeur. Je sens de l'agressivité. Je sens de la haine. On peut-tu adresser ça avant d'adresser le sujet? Est-ce qu'on est tous les deux enfants de Dieu? On est en train de chicaner. C'est qui gagne quand on chicane deux enfants de Dieu? Qui gagne? Satan. Point final à la ligne. Il a gagné. Il a trouvé une brèche. Il a rentré dedans. Puis il a divisé. Un divorce, là, c'est pas la journée que quelqu'un dit « je m'en vais ». Ça fait longtemps que le divorce a eu lieu dans le cœur de la personne. Avant qu'on tire une balle à quelqu'un, ça fait longtemps que dans ton cœur, tu planifies de la tirer ta balle. Avant qu'une parole méchante sorte de ta bouche, ça fait longtemps que tu la cultives, ta parole, puis une bonne journée, elle va sortir. Puis tu veux peut-être pas qu'elle sorte la journée, elle va sortir, mais c'est parce que tu aurais dû la tuer longtemps avant là, quand tu la cultivais. OK? Ne rendez pas le mal pour le mal ou l'insulte pour l'insulte. Au contraire, c'est pas juste de mettre le break à ta bouche. Au contraire, répondez par une bénédiction, car c'est une bénédiction que Dieu a promis de vous accorder quand il vous a appelé. Alors que tu étais pécheur, Christ est mort pour toi. Bon, ben là, l'autre a fait quelque chose, agis avec bienveillance. En effet, voici ce qui est écrit. Celui qui veut jouir d'une vie agréable et connaître des jours heureux doit se garder de médire et de mentir. Et Christian nous avait déjà expliqué que mensonge, là, c'est hypocrisie, dissimulation, puis mensonge direct. Quand tu travailles par en arrière, quand tu dis des moitiés de vérité, dissimulation, c'est de ne pas dire ce que tu sais que tu devrais dire qui ferait que l'autre ne fera pas d'erreur. On ne parle pas de médire, là. C'est de dire la moitié de l'information ou de retenir de l'information que tu sais très bien que si l'autre l'avait, il changerait son fusil d'épaule. Mentir, OK? Fait que celui qui veut jouer d'une vie agréable et connaître des jours heureux doit se garder de médire et de mentir. Il doit chercher la justice, la miséricorde, marcher humblement avec son Dieu. Il doit se détourner du mal, pratiquer le bien et rechercher la paix avec persévérance. Pourquoi c'est marqué persévérance? Parce que quand tu arrêtes de l'entretenir, à part, tout le temps. Car le Seigneur a les yeux fixés sur les fidèles, prêts à écouter leurs prières, mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. Qui vous fera du mal si vous êtes zélés pour pratiquer le bien? Où est-ce qu'on veut être? Pratiquer le bien. Même si vous avez à souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous êtes heureux, n'ayez aucune crainte des autres et ne vous laissez pas troubler, mais honorez dans vos cœurs le Christ comme votre Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience pure afin que ceux qui médisent de votre bonne conduite de chrétien aient à rougir de leur calomnie, car il vaut mieux souffrir en faisant le bien si telle est la volonté de Dieu plutôt que en faisant le mal. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Saint, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. C'est pas une question de position, c'est une question d'attitude personnelle. Amen.